joli gibet. Tu me fais rêver le soir sur ton quai de Meuse, tout illuminé. Combien d'amours ont dû s'embrasser, cœur à cœur et main dans la main. Combien de passants ont dû se balader au pays de mon cœur. Toi, mon joli givet, je crois bien aimer tes rues, tes pierres et tes rides, l'odeur du passé, de ta vieille tour dont tu es si fier. En levant les yeux vers le ciel, tu peux voir aussi le fort Charlemont qui te donne des frissons. Toi, mon joli givet, tu me fais pleurer, mes larmes glissent sur la ville, tout illuminé. On m'a dit qu'un jour, dans cette maison, un musicien est né. Sur la place Méhul, je vois sa statue qui doit te surveiller. Toi, mon joli givet, tu me fais rêver le soir sur ton quai de Meuse, tout illuminé. Toi, mon joli givet, pays de mon cœur, pays de mon cœur, pays.